Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur les micros de la Rage au 99.1 à partir du 28 mai, je ne cesserai de le répéter, ainsi que sur notre web radio, sur notre Facebook et sur notre site internet, la Rage est partout, nous sommes partout et aujourd'hui nous sommes surtout à Montbazon, au studio fixe, en compagnie de deux invités, William Carré et Guillaume Gross, bonjour. Bonjour. Xavier. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Bah oui, ça va, comme un jeudi matin. Comme un jeudi matin, voilà. Bientôt le week-end. Alors, je vous reçois aujourd'hui pour parler de deux choses. Je vous reçois pour parler de l'école de musique de Vénier, ainsi que de l'événement que vous préparez, qui est le deuxième que vous allez faire, une rencontre musicale qui aura lieu le 27 mai sur Montbazon. Mais avant de parler de ça, est-ce que vous pourriez un petit peu vous présenter un peu plus en détail, étant donné qu'on parle quand même de musique, est-ce que vous avez une formation musicale, qu'est-ce que vous avez fait avant, tout ça. Bon, moi, je vais me lancer, alors juste un petit mot, c'est pas l'école de musique de Vénier, c'est Vénier, Sorigny et Montbazon. C'est bien de le préciser. Voilà, c'est juste une petite précision comme ça, c'est un syndicat intercommunal qui regroupe trois communes. Voilà. Je commence. Bah vas-y, oui, t'as voilà. Bon alors j'ai oublié la question, mais un peu te présenter. Bon bah, avec Guillaume, je coordonne l'école de musique. Je suis prof aussi de batterie et percussion. Je suis musicien aussi, évidemment. Évidemment. Voilà, ça fait depuis pas mal d'années, plus de 30 ans que j'enseigne. Je travaille aussi sur Chinon, conservatoire. Ouais. Voilà, hein, je joue bon, plus style rock, jazz, voilà, un moins classique. Je joue en orchestre de variété, j'ai un trio, on fait des reprises des années 70. Voilà, pas mal d'heures de cours dans la semaine, ouais. Pas mal de cachets à l'année. Voilà. Donc tu travailles en même temps sur Chinon et sur Vénier dans les deux structures ? Dans les deux structures. Alors, c'est souvent le cas des profs de musique, on a du mal à avoir un temps plein sur une seule structure. Ouais. Donc là, j'ai deux postes, mais plus jeune, j'avais cinq postes, six postes. Ah. Donc, pas mal de route, quoi. Faut avoir une bonne voiture et mettre du gasoil dedans. Oui, voilà. Forcément, ça coûte cher. Ah, ouais. Voilà, donc moi, bah, je suis le collègue de William. Donc je coordonne également l'école de musique du Val-de-l'Indre avec lui. Donc moi, je suis guitariste, donc j'enseigne la guitare. Donc aussi pas mal d'heures de cours, donc j'enseigne à l'école de musique du Val-de-l'Indre, voilà, la guitare acoustique et électrique. Voilà, j'ai aussi un autre poste pour compléter mes heures à Descartes. Bon, j'ai pas beaucoup d'heures, je fais l'essentiel de mes heures à Vénier. Voilà, donc pour compléter un petit peu l'introduction de William, donc l'école, bah, elle est née en fait en 1990. Ouais, voilà. Donc c'est un syndicat intercommunal, hein, donc c'est un service public, donc financé par les trois communes Vénier, Montbazon-Sorigny et puis également par le département d'Indre-et-Loire. Voilà. Alors, la fréquentation de l'école de musique, en fait, on enseigne à peu près tous les instruments, j'allais dire habituels, ouais. Flûte, clarinette, batterie, donc guitare électrique, acoustique, la basse, le piano, le trombone, la trompette, le violon, le saxophone. Et puisque c'est une école de musique, on enseigne aussi la formation musicale. Très bien. On dit plus solfège, voilà. Ok. Et juste pour, très rapidement, pour revenir sur l'école, vous avez combien de salariés ? Vous êtes, c'est une grande structure ou pas ? Alors, il y a 12 enseignants. Ouais. Donc, il y a 12 profs, plus une secrétaire qui expédie, on va dire, les affaires courantes à la mairie de Vénier. Un bénévole, Maurice. Salut Maurice. Bonjour Maurice. Qui s'occupe beaucoup du site internet, voilà. Et puis bon, on a des parents qui nous aident pour pas mal de tous les concerts qu'on fait tout au long de l'année. Voilà. Et puis ça, c'est chapeauté par une sorte de grand conseil municipal où il y a trois élus de chaque commune de Vénier, Montbazon-Sorigny qui décident un petit peu des orientations de l'école et qui gère tout ça en haut. Très bien. Et donc, tu me parlais de la fréquentation, tu me parlais de l'âge un petit peu, aussi des personnes qui sont chez vous. C'est entre combien et combien ? C'est entre 7 et 77 ans, j'allais dire. Il y a des enfants qui commencent la musique très jeunes. On a beaucoup d'ados qui commencent la musique maintenant, vers 13, 14, 15 ans. Ouais. Et puis on a pas mal d'adultes, on a une quarantaine d'adultes à peu près, donc qui viennent soit prendre des cours, soit faire que des ateliers, parce qu'on développe pas mal les ateliers et la pratique collective. Donc ouais, tout ça, ça fait à peu près 150 inscrits. C'est parce que ce que tu me disais justement avant, c'est que vous aviez deux types un petit peu d'enseignement, c'est-à-dire plutôt soit un enseignement classique, on va dire, ainsi que des ateliers. Enfin, ouais, des ateliers, et qu'est-ce qui différencie les deux? C'est quoi l'intérêt d'un par rapport à l'autre? Qu'est-ce que, En fait, on essaye de développer un petit peu un enseignement dans deux directions. Le premier, c'est cursus traditionnel pour apprendre la musique quand on est petit, c'est-à-dire un cours d'instrument plus un cours de formation musicale, ouais, avec si possible que les enfants participent aux ateliers. Voilà, donc ça, c'est l'école de musique traditionnelle. Mmh. Hein, puisqu'on fait partie d'une fédération des écoles de musique, on est subventionné par le département, donc on a un petit peu des comptes à rendre au niveau des cursus d'enseignement. Et justement, alors, c'est quoi un petit peu les débouchés? Qu'est-ce qu'on prépare quand on vient dans cette école de musique, si on suit l'enseignement classique? On prépare une bonne formation de musicien amateur. Ouais. Voilà, si on veut vraiment ensuite en faire son métier, c'est-à-dire gagner sa vie, il faut passer ensuite par des structures, soit par le conservatoire de Tours, soit par des écoles comme Jazz à Tours ou Tous en scène. Voilà. Donc nous, on prépare vraiment des, qu'ils soient enfants ou adultes, à une pratique amateur de qualité. Voilà. Donc ça, c'est dans le cadre de l'enseignement classique. Oui. Et les ateliers, donc? Eh bien, les ateliers, on développe une dizaine d'ateliers. Alors, on est un petit peu sur tous les styles. Hein. Il y a un atelier blues rock, jazz, pop, un atelier percussion djembé, un atelier classique musique de chambre, l'orchestre junior, là c'est tous les instruments de l'harmonie, parce qu'en fait on a des liens très, très importants avec l'harmonie du Val-de-Lindre, hein, ouais, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui font partie de l'harmonie du Val-de-Lindre. Ah, est-ce que tu peux un peu expliquer l'harmonie du Val-de-Lindre pour, Alors l'harmonie du Val-de-Lindre, c'est l'origine vraiment des écoles de musique en France, les harmonies. C'est-à-dire qu'à partir des harmonies, se sont développées des écoles de musique, voilà, donc... On a beaucoup d'élèves qui vont à l'harmonie et beaucoup de personnes qui sont à l'harmonie qui apprennent l'instrument chez nous. D'accord. Voilà. Et c'est quoi la fréquence de ces cours un petit peu? Il y en a toutes les semaines, il y en a Ouais, les cours, c'est toutes les semaines. C'est un cours d'instrument et un cours de formation musicale toutes les semaines sur les 36 semaines de l'année scolaire. Ouais, et ça, si par exemple, moi j'ai un enfant ou moi je décide de m'y inscrire, ça me coûte quelque chose? Ça me coûte combien? Ça coûte 420 euros pour l'année. Très bien. Pour un enfant qui habite sur la commune de Vaigné, Montbazon ou Sorigny. Et sinon? Autrement, c'est hors commune, donc là c'est beaucoup plus cher. Ouais, d'accord. Donc ça, étant financé, par la CCVI en partie. Non, on n'est pas du tout financé par la CCVI. Non, on est financé uniquement par les communes de Vaigné, Montbazon, Sorigny. Très bien, ok. Voilà. C'est quoi dans le cadre de l'enseignement classique? C'est combien d'heures par semaine? Ça correspond à quoi? Pareil, c'est comme pour vous, c'est comme les ateliers où c'est, c'est 2 heures par semaine, c'est 24 heures par semaine, c'est 36 heures par semaine. Alors, c'est un cours d'une demi-heure, face à face avec le prof, en fait. Voilà. Après, il y a une heure de formation musicale, c'est le nouveau mot pour le solfège. Oui. Voilà. Et après, tout ce qui est pratique collective, jouer ensemble, c'est une heure, en fait. D'accord. Voilà. Tout ce qui est pratique collective, c'est dans le cursus. Mmh. Voilà, si t'as pas un coup en plus, on incite vraiment à participer aux ateliers. Ouais. L'important, c'est de jouer ensemble à un moment. Oui, voilà. Forcément, c'est donc, mieux. Donc tout ça, ça n'a pas de coup en plus, en fait. Hein. Ceux qui veulent participer aux ateliers sont les bienvenus. D'accord. On a quelques élèves qui ne font que les ateliers. Ouais. Voilà, donc là, le coût est quand même moins important. Moins important. Ouais. C'est quoi, c'est 150 euros pour l'année? Pour les ateliers? Ouais, pour les ateliers. Oui, c'est ça, voilà. Avec donc tu viens, tu, bon, forcément tu viens quand tu veux, tu t'as pas de, y a pas d'obligation quand même de présence de quelque chose. Faut qu'ils viennent toutes les semaines parce que c'est une équipe quand même. Oui, la seule obligation, c'est de venir jouer avec les autres sur le créneau imparti à l'atelier, quoi. Et puis ensuite, y a les concerts qu'on organise toute l'année pour montrer un petit peu ce qu'ils font. Et voilà, donc vous faites des en plus de l'événement là que vous faites la deuxième rencontre des musiques actuelles, vous faites à côté de ça des concerts en plus? Oui, régulièrement, on a une vingtaine de dates sur l'année. On va jouer un petit peu sur le territoire. Il y a un concert de Noël, il y a un concert du mois de juin, il y a les concerts des ateliers pop. En général, on a des l'orchestre junior qui vient jouer régulièrement dans les ALSH, en particulier l'ALSH de Vénier. Cette année, on a fait notre programmation pour les auditions de classe, donc flûte, clarinette, piano, saxophone, musique du monde. On l'a fait au théâtre à suivre. Donc le théâtre à suivre, c'est le théâtre qui se trouve derrière la mairie de Vénier. Ouais. Ils ont invité gentiment Alice et Sosten. Voilà. Donc il y a les rencontres d'orchestre junior. Cette année, c'était à Mont. Donc c'est les enfants qui jouent un petit peu dans les orchestres d'harmonie qui se rencontrent. Mmh. Là, on va aller jouer au wagon de Saint-Bran. Ouais. Les 3 et 4 juin, voilà, pour l'anniversaire de la bibliothèque intercommunale de Saint-Bran. Mmh. Donc il y a deux journées de concert organisées par la CCVI là pour le coup. Voilà, il y a la fête de la musique, il y a le concert de fin d'année, et puis il y a aussi le concert au collège de Montbazon, parce qu'on a développé cette année un atelier de musique actuelle pour les collégiens du collège de Montbazon, donc avec l'appui de, bah, du collège. Donc c'est super, c'est le prof de musique actuelle de chez nous, la Philippe Boiliveau, qui, ouais, qui fait une heure de musique actuelle. Donc on a été subventionné par le conseil départemental pour avoir ampli, sono, tout le matos. Ouais, ouais. Ils ont été vraiment super sur ce coup-là. Et donc les enfants, voilà, donc c'est sur le temps scolaire, ils ont une heure pour faire de la musique actuelle dans le collège, ouais, avec l'appui des instances de l'éducation nationale et du département. Donc on compte bien que l'an prochain, on ait deux heures dans ce collège. Et donc, on fait un petit concert avec ses élèves de cet atelier, donc sur le temps scolaire, le jeudi 16 juin. Voilà, donc ça, c'est vraiment très, très bien. Donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait là au début avec William. Mm-hmm. Il y a un cursus traditionnel, mais il y a aussi, on développe aussi un cursus pour des enfants, ouais, ou des adultes qui veulent venir jouer de la musique, mais qui ne sont pas forcément dans la dynamique de prendre un cours d'instrument plus un cours de solfège. Mm-hmm. Voilà, donc on essaye de... C'est pas vraiment à la carte, mais on essaye de satisfaire un petit peu tout le monde. Ouais. Parce qu'on a des publics très hétérogènes, mmh, des enfants de 7 ans, des adultes qui veulent juste jouer, des ados qui veulent juste jouer de l'instrument et qui font pas de solfège. Ouais. Donc à la place du solfège traditionnel, on a mis une heure de solfège, on va dire, appliqué à l'instrument. C'est-à-dire qu'ils amènent leurs instruments en cours, mmh, et ils apprennent uniquement ce dont ils ont besoin pour jouer. Ouais. Voilà. Donc, c'est plutôt light. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais, c'est juste histoire de savoir utiliser son instrument, de savoir pouvoir le maîtriser. Voilà, le bassiste, il va apprendre la clé de fa, le guitariste, la clé de sol, ils vont repiquer des grilles. Enfin, voilà. Excuse-moi. Et justement, tout ce que vous mettez en place là, c'est récent ou pas? Tous ces événements, tous ces choix d'ateliers, de concerts, d'ouverture un peu plus? Ça... Nous, avec Guillaume, c'est la cinquième année en fait qu'on est à la tête de l'école. Donc depuis 5 ans, on développe ces choses-là. Mm-hmm. On voudrait ouvrir la musique à un maximum de public. Quoi. Bien sûr. Ouvrir le cursus qui est, on nous reproche souvent d'être rigide. Ouais. Voilà. C'est cours de solfège, une heure, cours d'instrument, une demi-heure, etc. Donc il y a moyen, je pense, de développer tout ça, quoi, démocratiser un petit peu la musique, quoi, ouvrir à plus de monde. Mm-hmm. Voilà. Et justement, sur la suite, vous avez un peu des ambitions, d'autres plans, d'autres idées? Bah, des idées, on en a plein. Après, on essaye de les mettre en place au fur et à mesure. Quoi, voilà, c'est, mm-hmm. Bah, disons que notre ambition, quand même, c'est, comme vient de dire William, c'est d'attirer un public autre que le public traditionnel des élèves. Enfin, garder ce public traditionnel, mais avoir aussi des gens qui ont juste envie de jouer de la musique. Mm-hmm. C'est pour ça que les ateliers, c'est une plutôt bonne solution, parce que ça évite, parce que l'inscription reste quand même assez élevée. Hein. Ouais. Pour avoir un cours d'instrument plus un cours de formation musicale, ça reste assez élevé pour une école publique. Mm-hmm. Donc les ateliers permettent de pouvoir jouer de la musique sans forcément... avoir à débourser quand même plus de 400 euros à l'année. Ouais. Donc ça, c'est une solution qui nous semble assez intéressante et on aimerait bien le développer, voilà, en s'appuyant en partie sur les acteurs culturels et en particulier sur les accueils jeunes, etc., pour essayer de voir ce qu'on pourrait faire mmh. ensemble. Et puis ben, surtout pour avoir aussi un appui avec la CCVI, parce que ouais. c'est vrai que bon, la CCVI... on n'est pas du tout subventionné par la CCVI, mais évidemment, vu qu'on rayonne sur le territoire, on est école-centre en fait sur le territoire de la CCI, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs écoles, il y a des associations, Èvres, Artagne, une école municipale sur Mont, ouais. et puis il y a l'école de musique de Val-de-Lagne qui est l'école-centre en fait du territoire. Donc c'est un petit peu à nous d'être moteur, de proposer des concerts, etc. Mmh. Mais on aimerait bien qu'à un moment, oui, la CCVI prenne le relais vraiment de cette histoire. Voilà, donc on essaye un petit peu de rayonner sur toutes ces communes. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va à Saint-Branc le 3 et 4 juin. Voilà. Et alors juste une petite dernière question avant de passer un petit bout de musique. Si moi je décide de m'inscrire, est-ce qu'il y a des périodes dans lesquelles on doit s'inscrire ou non ? Oui, il y a des périodes, c'est-à-dire la période, c'est en général à la toute fin du mois de juin, début juillet. Ouais. Ensuite, pause. Et puis en général, c'est tout début septembre. Mmh. Et sinon dans l'année, c'est pas faisable ? Non, c'est compliqué parce que... si jamais les ateliers sont complets ou si jamais il n'y a plus de place en guitare, en batterie et tout, on ne peut pas comme ça rajouter des heures. Bien sûr. Budgets sont votés par les élus d'une année sur l'autre, donc on ne peut pas non plus dire « Ah bah finalement, il y a 10 inscrits de plus ou 2 inscrits, c'est compliqué. Mmh. » En général, c'est compliqué, mais sur le site de l'école de musique, ouais. Vous tapez dans Google « École de musique du Val-de-l'Indre », ils vont vous renvoyer au site qui est super bien fait par Maurice. Et là, vous avez toutes les informations pour venir s'inscrire. Faut pas hésiter à nous envoyer un mail. Voilà, donc en général, il y a de la place quand même pour tout le monde. Ouais, bien sûr. Ouais. Très bien. Bah, on va essayer de s'écouter, ayant eu la chance et la joie d'être aux répétitions des semi-croustillants hier soir. J'ai eu avec moi mon petit Zoom, donc on va sûrement se passer, je dis sûrement parce que j'ai pas encore fait le montage, donc c'est pas sûr à 100%, mais j'espère fortement qu'on va pouvoir se passer une de leurs productions, on va dire. Et puis on se retrouve juste après. C'est parti. 3, 2... Bonjour à tous et à toutes, vous êtes toujours sur les micros de la Rage, toujours au 99.1, toujours sur notre web radio, toujours sur la page Facebook et notre site internet. Et nous sommes encore une fois toujours avec nos deux invités, William et Guillaume. Re-re-bonjour. Re-re-bonjour. Re-re-bonjour, ouais. Et je re-tousse aussi. On a donc abordé dans un premier temps un petit peu tout ce qui est parlé de l'école. Là, on va aborder la deuxième rencontre de musique actuelle qui a lieu le vendredi 27 mai à partir de 20h. C'est la deuxième. Est-ce qu'avant de parler de la deuxième, on pourrait un petit peu revenir rapidement sur la première, faire un petit bilan, comment ça s'est passé, quelles ont été les fréquentations et comment tout s'est déroulé? Donc l'an dernier, on a joué sur le site du Moulin, à Vénier, en extérieur. Ouais. On aime bien jouer en extérieur quand il fait beau. Voilà. C'est mieux. C'est plus sympa. Bah, bien sûr. Il y avait 4 ou 5 groupes. Les deux ateliers de l'école de musique avec Philippe Boiliveau et Emeline Fougeret. On a invité aussi un atelier de Mont. Donc là, c'était plus pop rock et puis jazz rock avec Philippe. Et on a invité un groupe de métal, un élève qui a formé son groupe, qui est chanteur, Vincent. Ouais. Et c'était Empire of Kain. Voilà. Mm-hmm. Donc c'était assez sympa. Voilà, on était dans le cadre des estivales de Vénie, en fait. C'était le off des festivals de Vénie. On a participé dans le off des, pour le off du festival. Ouais. Voilà. Et ça, c'était, il y avait eu beaucoup de monde. Ça s'était passé comment, à peu près, là? Au niveau du monde, il y avait, on va dire, entre 80 et 100 personnes. Voilà. Mm-hmm. Mm. Et donc, vous souhaitiez comme ça s'était bien déroulé, j'imagine. Enfin, oui, a priori, de ce que j'entends. Ça s'est bien passé. On a eu quelques surprises, des licornes qui sont venues. Des licornes. Des licornes, ouais, ouais. Mais bon, ça s'est très bien passé. Voilà. Et donc relancer une deuxième édition. C'est qui a été à l'origine de cette initiative? Qui a décidé de lancer ça? Et pourquoi aussi? Bah, en fait, à l'origine, c'est William et moi. On a fait le constat qu'on avait des ateliers de musique, donc musique actuelle, pop rock, jazz et tout. Bah, c'était super. Ça permettait aussi un petit peu de casser l'image de l'école de musique traditionnelle où on prend son petit cours et puis on rentre chez soi. Donc ouais. le but, c'est quand même de jouer. Donc on s'est dit, on va faire se rencontrer les gens et on va faire venir des ateliers un petit peu de diverses communes et puis de divers horizons. Donc ça permettait à un atelier de Mont de musique actuelle de venir. Que les musiciens se rencontrent. Et puis notre intérêt, on voulait aussi faire venir des groupes extérieurs. C'est-à-dire c'est des anciens grands élèves de chez nous qui ont réussi le pari, c'est-à-dire d'être des musiciens, des très bons musiciens amateurs. Ouais. Donc on voulait montrer aussi que l'école pouvait produire des gens qui font des groupes et qui jouent. Mmh. Donc c'est pour ça que Empire of Kain est venu, et donc avec son public déguisé en licorne. Mmh. Et tout, ouais. Voilà, donc c'était vraiment super. Voilà, donc le but c'était ça, William. Voilà, ouais. Ce qui était assez sympa, c'est le mélange des générations, c'est qu'on avait des élèves de l'école, 10-12 ans, des parents d'élèves, les anciens, les estivales, qui ont trouvé le métal super, parce que c'est un style qu'ils n'écoutent jamais, et ils m'ont dit, mais on ne connaissait pas, c'est vraiment bien, quoi. Donc voilà. Bon, c'était fort. Ouais, c'était un petit peu fort au niveau du son, mais bon, voilà, c'est du métal, faut qu'il y ait des boîtes. Faut que ça tabasse un peu, bien sûr. Et là, cette année, on a envie de renouveler l'expérience, comme ça s'est bien passé. C'est vraiment un moment très sympa. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce que vous prévoyez? C'est quoi un petit peu le planning de cette journée, le 27 là? Moi, je débarque le 20 à 20h, il se passe quoi? Alors... qui va répondre? Oula. Moi, j'y vais. Donc, la programmation, c'est l'atelier pop-rock d'Emeline Fougeray. Mm-hmm. Il répète tous les lundis soirs à l'école. Et je voulais dire un petit mot, Emeline emmène l'atelier en studio demain, voilà, un studio à Saint-Pierre-des-Corps, donc pour enregistrer un CD, voilà, les ateliers de l'école de musique du Val-de-Lindre, mm-hmm. et elle travaille aussi à Chinon comme moi, donc l'atelier de Chinon va enregistrer, et on va produire des CD qu'on vendra à un petit prix, 1 ou 2 euros, voilà, ça peut être sympa. Donc je la remercie, Emeline Fougeray, là, de s'investir vraiment un samedi, là, d'emmener tout le monde, le matériel, passer la journée en studio. Voilà, c'est un studio professionnel en plus. Là. Ouais, super. Voilà. Ouais. Donc voilà. Donc c'est l'atelier pop rock qui va commencer. Après, je crois que c'est l'atelier de Mont. Ouais. Donc, c'est un collègue à moi qui est percussionniste, Vincent Desjous, qui s'occupe de cet atelier. Et ça consiste en quoi, c'est-à-dire l'atelier? C'est des choses dans lesquelles les gens pourront participer, ou c'est l'atelier de Mont qui vient se produire? C'est l'atelier de Mont qui vient se produire. Alors c'est le même système, ils répètent toutes les semaines 1 heure. Mm-hmm. Et ils ont quelques prestations l'année, et puis là on les a invités. Ouais. Donc je crois que c'est au niveau du style, c'est de la pop. Hein. Voilà. Mm-hmm. Après, moi je travaille sur Chinon au conservatoire, donc j'ai un atelier aussi le lundi soir, ça s'appelle Les Improvistes. Ouais. Là on fait du jazz rock des années 70, on reprend des morceaux de Billy Cobham, entre autres, voilà. Donc là j'ai pas mal d'adultes, c'est pareil, on va se produire pendant une petite demi-heure. Ouais. Et après on va laisser la place au métal, voilà. Donc il y aura Empire of Kain, il y aura Century Oak, ouais. Voilà. Donc il y aura du son, je pense, peut-être des licornes, on verra vendredi. On espère. Elles sont les bienvenues, bien sûr. Ouais. Et puis on va terminer avec l'atelier de Philippe Boiliveau, là, qui intervient au collège et qui a un atelier le mercredi soir Je crois que tu as enregistré hier. Ouais. Merci Xavier d'avoir participé à l'enregistrement. Tout le plaisir était pour moi, vraiment. Et une super équipe. Ouais, clairement. Voilà. Donc ils vont terminer la soirée. Ce sera une bonne fin, parce que de ce que j'ai écouté, c'était franchement pas mal. Hein. Ça fait plaisir. Merci. Ah bah, merci à eux. Et donc au niveau du prix, où ça se passe Alors c'est vendredi 27 mai, donc ça ouais. commence à 20h. Jusqu'à quelle heure, vous savez à peu près? On tape sur 22h30, 23h. Ouais. Donc c'est à l'espace À Tout Cœur de Montbazon, c'est gratuit. Restauration, buvette soft sur place, il ouais. n'y a pas de vente d'alcool. Voilà, donc il y aura des petites choses sucrées salées voilà, pour se restaurer sur place. 20h, parce que les groupes font les balances de 17h à 19h. Très bien. Voilà, un petit peu avant. Et puis, bah donc pour ça, on a quand même eu le soutien de la mairie de Montbazon, hein, qui nous prête gracieusement l'espace À Tout Cœur de Montbazon. Ouais. Donc super, en particulier Natia Pentier, là, qui est élue à Montbazon et qui est présidente en fait, du syndicat qui gère l'école de musique. Et Nancy Texier, donc l'adjointe à la culture de la ville de Montbazon, donc qui nous ont vraiment bien soutenus sur ce projet. Voilà. Très bien. Et toutes les infos, vous aviez des affiches, c'est aussi trouvable sur votre site internet, un Facebook, il y a quelque chose. Tout à fait, il y a un Facebook, il y a le site internet, donc il faut aller dans... C'est écolemusevalindre@free.fr, donc c'est un petit peu difficile à appeler, mais si vous tapez école de musique dans Google, ils vont vous renvoyer au site et au site Facebook. Donc normalement vous avez vraiment toutes les infos. Puis je crois qu'il y a des affiches qui commencent un petit peu à circuler un petit peu partout, dans les accueils jeunes je crois, voilà, dans les collèges, dans les lycées aussi de Tours, parce qu'on a pas mal d'élèves qui sont lycéens maintenant. Voilà. Vous attendez à quoi comme faire mieux que l'année dernière? C'est niveau communication et tout, vous avez changé un petit peu votre façon de faire, vous attendez à plus, à pareil, vous avez des ambitions particulières pour le 27. C'est toujours très compliqué de savoir la jauge en fait, hein, du public. Bon, on cible au minimum comme l'an dernier 80-100 personnes. Bah, s'il y a plus, tant mieux. Hein, voilà. Bah, bien sûr. Et l'idée, s'il fait beau, c'est que le public sera à l'extérieur. Je vais ouvrir les grandes baies vitrées là, et diriger le son vers l'extérieur en fait. Évidemment, s'il fait beau, si le temps est... Et clément, voilà. Hein. Donc le groupe à l'intérieur et le son dirigé vers l'extérieur, c'est plus sympa. Ça fait un petit mini festival. Ouais. Voilà. Hein. Okay. Voilà, l'idée est là. Très bien. Donc le 27 mai, 20h, gratuit, réservation, pas besoin de réserver, non, rien du tout. On a la restauration sur place, pas d'alcool. Et puis donc, à l'espace À Tout Cœur de Montbazon. Voilà, et juste pour terminer, si les gens sont intéressés pour voir ce qu'on fait autre que ces ateliers, il y a le concert de fin d'année de l'école de musique du Val-de-l'Inde, là, qui se situe le vendredi 24 juin, à partir de 19h, en extérieur, sur le site du Moulin de Vénier. Voilà, 19h, et puis jusqu'à 22h, 23h, les ateliers de musique rock clôtureront la soirée, et puis bah, toujours avec l'école de musique du Val-de-l'Inde, il y a toujours un petit coup à boire après, toujours. Parfait. Bon, bah, très bien. Un petit mot encore, quelque chose, une petite précision, un petit coucou, je ne sais trop quoi dire. Bon, un petit coucou à Maurice, là. Hein, ouais. Voilà. Salut Maurice, on t'a pas vu ce matin, là. Oui, pas levé. Et puis un merci à la rage, à toi Xavier de nous avoir invités. Merci à vous. Voilà, puis on espère peut-être qu'on pourra essayer de travailler ensemble. Un de ces quatre avec les accueils jeunes. Bien sûr. Voilà, merci à Loan qui nous a aiguillonné là-dessus. Et puis bah, pour avoir mis les affiches et tout. Voilà, merci. Bon, bah, très bien. Bah, encore une fois, merci à vous. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Et puis on se dit à une prochaine sur les micros de la rage. Salut!